Chapitre deuxième. Accommodement. Mademoiselle Belfield vint le lendemain chez Cécile. Elle avait l'air tremblant et craintif. Envoyée, dit-elle, par sa mère, pour la supplier d'excuser ce qui s'était passé le jour précédent. Vous ne devez pas soupçonner mon frère d'avoir eu la moindre part à tout ce qui a été dit. Il a trop de bon sens pour concevoir de pareilles idées. Je suis venue en même temps vous remercier de tout mon cœur des bontés que vous nous avez témoignées. Elle voulait se retirer, mais Cécile, touchée de sa douceur et de sa modestie, lui prit la main, l'assura de son estime. Elle lui ayant inspiré plus de confiance, la pria de rester. « Vous êtes bonne, mademoiselle, lui dit-elle, après tant de raisons de mal penser de moi et de nous tous. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour détromper ma mère, ou du moins pour qu'elle se tînt tranquille. Mais elle était si persuadée qu'elle avait raison qu'elle n'a jamais voulu m'écouter. Elle me demandait si je supposais que ce fut pour mes beaux yeux que vous aviez la complaisance de venir nous voir si souvent. « Oui, répondit Cécile, très certainement. Si je ne vous avais pas connu, quel que fût l'intérêt que j'eusse pris à votre frère, je ne serais sûrement pas venue chez lui. Il est cependant heureux que cette erreur ne se soit pas étendue plus loin. Non, en vérité, mademoiselle, je n'ai jamais eu pareille idée. Et quant à mon frère, lorsque ma mère a voulu la lui insinuer, il s'est fâché tout de bon. Quoique je me garde bien d'entreprendre de justifier ce qui s'est passé, j'espère que vous ne vous fâcherez pas si j'ose vous dire que ma mère est dans le fond bien plus pardonnable qu'elle ne paraît l'être, car cette erreur dans laquelle elle est tombée à votre égard eût été la même, fût-il question d'une princesse. Ce n'est donc point manque de respect de sa part, mais uniquement parce qu'elle croit qu'il n'est aucun parti auquel mon frère ne puisse prétendre et qu'il n'est point de femme qui le refusât, s'il avait le courage de la demander. Cécile l'assura qu'elle ne penserait plus à cette méprise, mais que, pour empêcher qu'elle se renouvelât, elle s'abstiendrait d'aller chez elle jusqu'après le départ de son frère, et que, par cette raison, elle la priait de venir la voir toutes les fois qu'elle en aurait le temps. Elle lui réitéra les assurances de son amitié, de la bonne opinion qu'elle avait conçue d'elle, et du plaisir qu'elle aurait à saisir les occasions de lui en donner des marques. Enchantée de cette gracieuse réception, Mademoiselle Belfield passa avec elle toute la matinée, et lorsqu'elle se vit forcée de la quitter, le désir que Cécile lui témoigna de la revoir lui fit le plus grand plaisir. Elle revint bientôt, et Cécile, à qui cet empressement était très agréable, redoubla de soins et d'attention à l'obliger. Depuis ce moment, Mademoiselle Belfield ne manqua presque jamais de venir voir tous les jours Cécile, qui n'oubliait rien pour la bien recevoir, et qui, désirant s'occuper l'esprit d'objets étrangers à Delville, auxquels elle s'efforçait de ne plus penser, se refusait même la satisfaction d'en parler à sa jeune amie sous la dénomination du noble ami de son frère. Elle trouva pendant ce temps différents expédients pour ménager sa délicatesse et lui faire accepter plusieurs présents utiles ou agréables. Elle était chaque jour plus attachée à sa nouvelle favorite et se proposait de lui offrir, dans la suite, un asile dans sa maison. L'intimité est une épreuve que peu de gens soutiennent, même ceux qui pensent le mieux, mais dont Mademoiselle Belfield n'avait rien à craindre. Cécile la trouva simple, ingénue et affectueuse, l'esprit droit et beaucoup d'intelligence, quoiqu'on n'eût pris aucun soin de le cultiver. D'un caractère doux, quoique vif, la bonté naturelle de son cœur semblait suppléer aux lumières qui lui manquaient. Elle fit part à Cécile de toutes les affaires de sa famille, ne lui cachant ni ses faiblesses, ni ses malheurs, et ne cherchant à pallier que les défauts les plus choquants de sa mère. Elle paraissait même disposée à lui révéler ses secrets les plus cachés, et il était évident qu'elle en avait. Ceux qu'elle manifestait par des distractions fréquentes et par l'inquiétude qu'elle laissait apercevoir. Cécile, cependant, dans la situation critique où son esprit se trouvait alors, ne s'empressa guère à faire des questions qui auraient pu lui développer la cause de cette inquiétude. Elle évitait soigneusement toute conversation qui, en réveillant sa tendresse, aurait pu lui causer la moindre émotion. Pendant que Cécile remplissait ainsi ses loisirs d'une manière qui, sans être bien gaie, était supportable, et qu'elle jouissait des conversations intéressantes de son amie, le reste de la maison était bien différemment occupé. Les fêtes, les plaisirs, les amusements de toute espèce étaient recherchés avec encore plus d'avidité que par le passé, et le risque que les Harel avaient couru tout récemment d'être entièrement ruinés paraissait n'avoir servi qu'à augmenter leur empressement à jouir. Jamais, cependant, la félicité n'avait été plus loin d'eux. M. Harel, malgré sa légèreté ordinaire, avait de temps à autre des accès de mélancolie qui offusquaient ses moments les plus gais et empoisonnaient tous ses plaisirs. Et comment peut-on goûter dans une situation aussi fâcheuse ? Cécile, voyant que sa fureur pour la dissipation augmentait avec ses inquiétudes, hasarda encore une fois de parler de réforme à sa femme, lui conseillant de se prévaloir du mécontentement par lequel il témoignait être au moins un peu affecté de sa situation, afin de lui démontrer la nécessité qu'il y avait de ne pas tarder davantage à examiner l'état de ses affaires. Madame Harel l'assura qu'il lui était impossible de suivre son conseil, que son unique étude était d'imaginer de nouveaux moyens de le distraire, attendu qu'il devenait tous les jours plus chagrin et si emporté qu'elle n'osait plus rester seule avec lui. La maison était plus fréquentée que jamais. On n'était occupé que d'amusement. Parmi ceux qui étaient les mieux reçus, comme les plus propres à remplir ce but, M. Maurice était un des premiers. Le talent singulier qu'il possédait d'unir des manières humbles et rampantes à la gaieté la plus constante et la mieux soutenue le rendirent si utile qu'il ne fut bientôt plus possible de se passer de lui. Quoique son premier but, en tâchant de se faire admettre, eût été d'entretenir la connaissance de Cécile, il fut cependant très content de la tournure que la chose avait prise, puisque sa vanité ne l'avait jamais assez aveuglé pour oser aspirer à sa main. Il crut au reste que l'amitié de ses hôtes contribuerait autant à l'avancement de sa fortune qu'aurait pu le faire Cécile, car, tout étourdi, tout inconsidéré qu'il était, il ne perdait pourtant point ses intérêts de vue, et quoique par une activité folle et déplacée il n'y ait plus souvent, son attention et ses soins n'en étaient pas moins dirigés vers un but utile. Il ne formait de liaison qu'autant qu'il espérait qu'elle lui serait avantageuse. La connaissance et l'amitié de ses supérieurs ne lui étaient précieuses que parce qu'il se flattait que tôt ou tard leurs recommandations lui procureraient de nouveaux protecteurs. Les visites du chevalier Floyer étaient aussi beaucoup plus fréquentes, et M. Harel, malgré les remontrances de Cécile, cherchait toutes les occasions possibles de lui faciliter l'accès auprès d'elle. Quoique Mme Harel eût été jusqu'alors indifférente à cet égard, elle commença à prendre vivement ses intérêts, et M. Arnott, qui lui avait précédemment servi de refuge contre cette persécution, était devenu si sérieux, ses soins étaient si marqués, que ne pouvant plus révoquer en doute les sentiments qu'elle lui avait inspirés, elle se trouvait obligée d'user de réserve avec lui. C'était toujours avec plus de regret qu'elle réfléchissait au sacrifice qu'elle avait fait pour secourir l'ingrat et indigne Harel. Souvent, elle était tentée de quitter pour toujours sa maison et de choisir celle d'un de ses tuteurs. La délicatesse de ses sentiments s'opposait à cette démarche, qui aurait pu nuire au crédit de celui-ci, et l'amitié qu'elle avait eue dans ses premières années pour sa femme l'empêchait d'exécuter ce projet. Ces différentes circonstances contribuèrent beaucoup à augmenter son intimité avec Mademoiselle Belfield. Elle ne voyait plus Madame Delville, qui était la seule personne qu'elle lui préféra. Les assiduités fatigantes du chevalier Floyer étaient cause que M. Monckton ne pouvait lui parler qu'en sa présence. Il ne lui restait donc d'autres ressources contre les persécutions et les chagrins qu'elle éprouvait chaque jour que la société de l'aimable Henriette.